J'ai besoin que tu cries ton amour, même quand je dors. Peut-être je ne te demanderai plus alors. Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu te demande combien tu m'aimes dans le noir. Tu dis que l'infini n'existe plus à 2h moins 15. Même si je sais que tu m'aimes, j'ai besoin de savoir. Vois-tu comme tu m'as drogué le cœur? Dis-le-moi, oh, dis-le-moi encore. Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu Est-ce que tu m'aimes?